Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, tous les lundis, troisième lundi plutôt, tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi du mois, en matinée de 8h à 9h30. Mais vous pouvez aussi suivre nos programmes sur le blog La Jungle des Luttes. Donc tous nos programmes en général sont mis sur le blog, pas toujours dans des délais précis, mais en général vous les avez. Hein. Il y a le blog, donc La Jungle des Luttes. Et donc voilà, c'est le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Vous pouvez aussi nous rencontrer le comité tous les mercredis soirs à 20h30 au 33 rue des Vignoles au métro Avron dans le 11e. Et donc il y a un site aussi, cspcl.ouvaton.org. Et donc voilà, le comité de solidarité, le CSPCL se propose tous les mois de donner la parole à des luttes, des collectifs, des gens qui ont des expériences et des luttes, des résistances à partager avec nous. Et donc là, aujourd'hui, on avait envie de aussi inaugurer la nouvelle rôtisserie à la fin de la semaine. Donc on vous invite à le faire avec nous. Le samedi 26 mars pour un dîner avec une entrée crudité, couscous, végétarien ou pas. Et donc voilà, ce sera en solidarité avec les luttes que nous, on peut soutenir en tant que CSPCL. Et donc en général, les luttes au Chiapas, en tous les cas financièrement. Le reste, on essaye de se mobiliser, autour de lieux aussi, et notamment La Parole Errante, qui est un lieu que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un lieu qui a une histoire longue déjà maintenant, qui est aussi en lutte depuis quelque temps. Et donc il y aura Benoît du collectif de La Parole Errante qui nous appellera tout à l'heure parce qu'il ne pouvait pas être sur place. C'est toujours compliqué avec toutes les activités qu'on a, c'est difficile de se déplacer. Donc on l'aura au téléphone et il nous racontera un petit peu cette histoire de La Parole Errante et de tout ce qui a été à venir. Et donc on parlera ensuite de, pour ceux qui étaient là samedi, de la manif contre les violences policières. Et donc il y avait également une soirée de soutien qui était faite justement à La Parole Errante avec plusieurs concerts qui se sont donnés. Donc du coup on va essayer de partager aussi avec vous des moments de cette manif. Et on finira avec le carnaval indépendant à le carnaval 17e. Donc ça se passe à Marseille, c'est dans le quartier de la Plaine, et c'est Noailles, la Plaine et Réformé, les trois quartiers qui ont convergé et qui ont donné leur 17e festival. Donc on vous partagera ce moment-là également. Et donc on va faire comme d'habitude une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet, et donc avec Benoît pour le collectif de La Parole Errante. À tout de suite. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the patch on here. What happened? Wait, hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga, chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión.

Et il a accueilli pendant ces vingtaines d'années une multitude d'initiatives culturelles autour du théâtre, bien sûr, puisque Armand Gatti est poète et aussi dramaturge, mais aussi beaucoup d'initiatives sociales, politiques. Je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup de gens connaissent ce lieu pour avoir soit été à un concert de soutien, aller voir un spectacle, participer à une rencontre, ou une assemblée générale autour d'une lutte. Voilà. Il se trouve que ce lieu est menacé de fermeture, à savoir que le bail qui lie le Conseil général à la parole errante s'arrête au mois de juin. Et donc l'équipe historique va être dans l'obligation, disons, de remettre les clés. Et le lieu risque de fermer. Pour éviter cela, un collectif d'usagers du lieu, alors un collectif d'usagers très large qui réunit à la fois les libraires du café librairie Michel Firk, un collectif de metteurs en scène qui travaille autour des textes d'Armand Gatti, des associations qui travaillent autour du cinéma documentaire et du théâtre qui sont en résidence à la Parole Errante, mais aussi des usagers plutôt réguliers ou ponctuels de la Parole Errante, disons, se sont réunis pour se dire que, en se disant que cette fermeture n'était pas possible, au sens où il n'y a pas moyen de lâcher à la fois une sorte de table rase du lieu, et pas moyen non plus que à la fois de son histoire, quoi, qui est l'histoire d'Armand Gatti, de la Parole Errante, qui est aussi l'histoire d'un engagement tout au long de ce siècle dans toutes les luttes qui ont existé, et puis aussi table rase d'un usage très ouvert du lieu et très partagé, disons. Voilà. Alors pour cela, on a d'abord, on s'est réunis pour écrire un projet, puisque disons la difficulté, disons, de l'exercice, c'était que à la fois il fallait d'une certaine manière acter qu'une page de la parole errante allait se fermer, puisque l'équipe historique, allait devoir d'une certaine manière se mettre en retrait. En tout cas, il n'était pas imaginable qu'elle défende le lieu en tant que tel. Par contre, il était imaginable que toute nouvelle génération se constitue, à savoir de nouvelles générations à la fois d'usagers de la parole errante se constituent pour défendre le lieu et puisse faire vivre son histoire et à la fois l'usage qui en est fait aujourd'hui. C'est pour cela, disons, qu'on a écrit donc un projet, ce projet qui est lisible. On a voulu dans un processus à la fois le plus large possible et le plus ouvert possible. On a décidé de mettre en ligne ce projet qui est lisible donc à l'adresse suivante, laparoledemain.jimdo.com. Voilà, mais si vous tapez la parole demain sur un moteur de recherche quelconque, vous trouverez sûrement le site internet où il est possible de lire le projet et aussi de signer une pétition. Voilà, ça c'est à savoir en tout cas déjà de donner un premier soutien à ce projet et à la défense du lieu. La seconde chose c'est-à-dire tout au long du mois de mars, on a organisé toute une série de rencontres pour un peu à la fois donner une grande visibilité au lieu et disons à la diversité des choses qui y sont accueillies. Voilà, il y avait l'organisation d'un carnaval à Montreuil, un concert de soutien aux familles victimes de violences policières. Il y a eu aussi une soirée autour d'un philosophe qui a beaucoup réfléchi autour du nucléaire et qui est Gut Randers. Il y a bientôt un concert de soutien au jargon libre mardi. Je pourrais aller voir le programme complet sur le site internet. Mais peut-être que tu peux donner le site internet. C'est toujours. Je vous en redonne donc le site internet qui s'appelle La Parole Demain. Voilà. jimdo.com. Et donc surtout samedi et dimanche, on organise donc deux jours. Samedi prochain, 26, 27. Vendredi à partir de 15h et dimanche à partir de 11h, on organise 2 jours de réflexion et d'organisation autour de la défense de la parole errante. Voilà, avec où on va à la fois restituer les discussions, ce qu'on avait déjà organisé. Parce que ce collectif, il est quand même né il y a plus longtemps. Enfin, il existe depuis combien de temps, ce collectif? Vous avez commencé à travailler depuis... Ce collectif, il s'est formellement constitué. Disons, il existe depuis en fait assez longtemps, puisque c'est plus ou moins un collectif de gens qui fréquentent le lieu plutôt assidûment et qui le font vivre depuis pas mal d'années. Néanmoins, il s'est constitué pour défendre le lieu un peu officiellement il y a à peu près un an. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a déjà eu l'occasion régulièrement de parler de ce lieu qui est la parole errante, justement, et de la lutte qu'il y avait autour et du combat. Voilà. Et donc, on avait organisé notamment en octobre une rencontre où il y avait quelques centaines de personnes qui s'étaient réunies pour un peu déjà s'informer sur la situation du lieu et discuter un peu de son devenir et un peu réfléchir aussi, puisque on est dans une sorte de double situation qui est à la fois de défendre le lieu et de lui aussi de commencer un peu à lui inventer un devenir, quoi. On est à cette charnière là d'une certaine manière, et donc voilà, c'était un peu le l'objet des discussions du mois d'octobre. Et là, pendant ces 2 jours, on va à la fois redonner un peu quelques axes de cette discussion, et puis faire des propositions qui sont à la fois des propositions pour s'organiser un peu plus largement autour de la défense de ce lieu, et aussi un peu et que à la fois la défense du lieu soit aussi chemin faisant des moments d'invention pour un devenir pour ce lieu, quoi. Voilà, c'est donc voilà, je vous invite à lire le programme, pareil, sur le même site, il y a les programmes de ces journées du 26 et 27 mars, en entier. Et voilà. Et peut-être que du coup, tu peux nous parler un petit peu de ce que vous avez pensé par rapport à, pour ceux qui ne pourraient pas aller sur Internet et qui seraient curieux de savoir comment vous avez pensé justement la parole demain. Ah oui, alors, basiquement... Parce que tu as dit, en fait, parce que tu as dit que... Oui, tout à fait. Le projet qu'on a réalisé, il y avait, disons, 2 axes, comme je l'ai dit. C'est à la fois de rester très ancré dans l'histoire du lieu et de s'inspirer un peu de toutes les expériences menées par Armand Gatti depuis des années, où ça, il y avait une dimension un peu... ou qui est à la fois de mettre en avant autant des principes d'être ancré dans un territoire où se nouent des solidarités, à la fois des vraies solidarités, ouvert à la fois aux luttes et aux possibilités de les accueillir. Disons qu'il y avait... Il y avait toute cette dimension-là qui, pour nous, était importante. Il y avait aussi une ouverture, disons, au présent, ça veut dire au temps présent et à la nécessité de répondre à ces urgences, quoi. Il y avait un rapport aussi à la question de la ville qui, pour nous, était important. C'est-à-dire d'inscrire ce lieu dans une ville qui était plutôt pas la ville de la concurrence, de l'individualisme, de la peur... mais plutôt une ville, en tout cas essayer de qu'elle vienne participer à une ville qui est faite plutôt de lutte, de solidarité et de toute une série d'initiatives culturelles, sociales, politiques qui mettent en acte, des valeurs autres que celles de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en tout cas la société dominante. Ce qui nous semblait aussi important, c'était un lieu... transversal, ça veut dire un lieu qui se cantonne pas des activités culturelles, mais qui puisse aussi se croiser des activités aussi sociales et politiques. Et puis un lieu, on peut dire qu'il y avait aussi une dimension d'accueil et d'hospitalité qui nous semblait de toute façon le préalable à toute chose, à savoir la question de... C'est pour ça qu'il y a un projet de cantine aussi qui s'élabore autour de ce lieu, mais un lieu qui puisse accueillir et accueillir le plus largement et le plus de monde possible en levant un peu toutes les barrières qui sont qui généralement disons cantonnent les lieux à un public un peu spécifique ou voilà. Il y a cette dimension-là qui a été pensée très fortement dans le projet. Et puis, il y avait aussi une sorte de transversalité qu'on essayait de penser entre plein de formes différentes et plein de pratiques différentes, même que ce soit la musique, la vidéo, le cinéma, le théâtre, que toutes ces différentes pratiques se mélangent. Donc on invite vivement les gens à se rendre ce week-end à la parole errante pour discuter de la parole demain. Et ouais, voilà. Et puis en tous les cas, ouais, je pense que c'est important de penser à cet esprit, parce que je pense que c'est important de dire aussi qu'Armand Gatti, c'était quelqu'un qui était plus que poète et dramaturge, il avait aussi une forte conviction politique dont il savait justement, parce qu'il est poète et dramaturge, aller au-delà et de pouvoir réunir. Enfin, du coup, c'est aussi important de pouvoir préserver cette image, non, de cette d'Armand Gatti. Ouais, du coup, en tout cas, c'est un peu les racines de... Ouais, c'est ça. C'est un même projet avec les gens d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est ces racines-là dont on veut pas se couper. Ouais. Au contraire, qu'on veut préserver, permettre de continuer à faire exister, quoi, puisque c'est toute une histoire à la fois, et une façon de la traverser, cette histoire qui à nous nous intéresse et dont on voudrait qu'il nous faut arriver à faire vivre, quoi. Il y a aussi à cet enjeu là un enjeu de transmission au sens large du terme, ouais, quoi, pour que quelque chose ne se referme pas, quoi. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup pour nous avoir rappelé et rappelé aussi ce qu'est la parole errante, au-delà d'un lieu où on se réunit des fois comme ça pour faire un concert et on oublie toute cette histoire. Ouais. Et toutes celles qu'il y a à construire, justement. Voilà, mais n'hésitez pas à venir donc ce week-end. Le samedi, nous, on organise un repas à la nouvelle rôtisserie, mais par contre, on va essayer d'être là le dimanche. Ok, nickel. Merci. Allez, à très bientôt. Allez, bonne à ce week-end, au plus tard. Musique, petite pause musicale, peut-être pour. Et puis on continue avec la manif de samedi avec les petits enregistrements qu'on a faits. Soldat de César, t'as pas saisi, ça va te prendre des heures et des semaines et des mois. Tu patouches, ça fait plaisir, on va têche, ça va faire bizarre, tu vas finir dans le bocage, un poil à crier. Aidez-moi. Playmobil, du tambour, Vietnam, Bérésina, tu vas te faire fumer à la tourbe. Arrête de casser des maisons pour rembourser ton crédit. SB2, tu peux pas tester le triton crédit. T'as pas compris, c'est une arnaque, y'a pas d'avenir pour le tarmac. T'as vu ton pote est tombé de l'arbre. Oh, mesquine. Allez, retourne dans ta grotte, Julie Lesco. T'as du purin, t'as la déroute. T'es ridicule et ça t'esquinte. T'es Robocop à l'assaut du potager. Fais gaffe, fais gaffe. Le fou rire c'est contagieux. Tu sens que ça monte, ça vient partout. Le mieux pour toi c'est de dégager. Non mais sérieux, barre-toi. Affamé du progrès en béton, ta gorge est de Javel, non, nécropole. Vinci à ta table, César à l'écrou. Des petits fours en forme d'avion, les bulles de champagne en tête de gondole. Notre-Dame, bac à sable de la classe oligarchique. Zone à détruire, moyennant une grosse poignée de fric. Escadron, flashball, cravate en plastique, mange tes morts. Diriro, bocager, lance des pavés de terre, toujours plus fort. Notre-Dame, des ravages, ne leur accordez pas fou fuyant, car ils savent très bien ce qu'ils font. Notre-Dame, du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Playmobil déchaîné, contre population acharnée. Tir de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci. C'est là, c'est pour la salle, c'est pour les planches et de la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Paraît que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe, ni Careva et Vinci, mais des arrangés à V, pas à tabac des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es avé, la vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle, c'est des pierres contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du C. Ils sont partout nous aussi, ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off. celle-là c'est pour la salle. Fuck off, comme un plug off, fuck off, ils sont partout nous aussi. FPP, la jungle des luttes, manif contre les violences policières, samedi à Gare du Nord, c'était le départ. Donc comme on vous a dit, pour ceux qui n'y étaient pas ou pour ceux qui n'ont pas pu entendre tout ce qui se disait. Donc voilà, on vous propose de partager ces prises de parole et donc on vous laisse avec... Alors du coup, on n'est pas tout à fait prêt en technique, mais c'est bon. Une journée internationale contre les violences policières, ça nous a semblé d'autant plus important de la tenir alors que commence un mouvement dans la rue et donc sa logique répression policière comme hier à Tolbiac, et d'autant plus important alors que le gouvernement, sous couvert d'antiterrorisme, essaye de créer un état d'urgence qui renforce encore l'impunité de la police. Tous les derniers procès... Dans ces derniers mois, depuis l'état d'urgence, il y a déjà eu deux non-lieux dans les affaires d'Amadou Koumé, qui était mort d'un étranglement en 2015 dans un fourgon de police, ou d'Oussine Bourras, qui est mort d'une balle dans la tête alors qu'il était menotté dans un fourgon de police en 2015. Après 6 ans de procédure judiciaire, la Cour de cassation a même prononcé un non-lieu définitif dans l'affaire d'Ali Ziri, un vieux monsieur... retrouvé mort suite à son interpellation à Argenteuil en 2009. Bref, le gouvernement essaye d'étendre le permis de tuer alors qu'il existe déjà, ce que nous a encore rappelé le procès du flic qui a tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent même armer les BACU avec des armes de guerre. Pourtant, quiconque a déjà eu affaire à la BAC, c'est que c'est folie furieuse de leur donner des fusils d'assaut. Voilà, donc pour organiser cette manifestation, on s'est réunis en intercollectif. On a un certain nombre de collectifs qui se sont réunis suite et qui se sont rencontrés lors du mouvement qui a suivi l'assassinat de Rémi Fraisse, donc à la ZAD du Testé, et qui ont commencé à se réunir depuis le mois de juillet plus ou moins dernier. Afin justement de coordonner nos diverses actions dans cet intercollectif. Il y a aussi bien des familles de victimes, des blessés, des mutilés par la police, que différents collectifs politiques qui luttent contre les violences policières et d'autres violences. Ce qui nous réunit tous, en fait, c'est principalement qu'on se base autour de la question des violences d'État dans leur ensemble, qu'on considère comme une logique qui nous gouverne au quotidien et qui se manifeste sur le terrain aussi, notamment, principalement, par l'assassinat, la mutilation, les humiliations que fait subir la police à la population. Pour nous, on ne pourra pas vous dire qu'en fait, on se bat contre cette logique-là, cette logique globale qui nous gouverne au quotidien et notamment aussi contre la criminalisation des mouvements sociaux et de toutes les personnes qui cherchent à se battre contre cet ordre-là. Notamment, donc, on doit vous informer qu'au moment où on vous parle, il y a des gens qui passent en comparution immédiate pour avoir participé aux différentes mobilisations qui se passent ces deux derniers jours autour de la question de la loi Macron aussi, et qui subissent des violences policières... El Khomri, et qui subissent des violences policières qu'on a subies et qui en témoigneront sûrement. Donc, pendant cette manifestation, si on a des informations, d'ailleurs, on fera des annonces au camion. Salut à tous. Du coup, pour parler un peu du déroulé de la manifestation, on est juste là pour rappeler que bon, on n'est pas là pour parler à la police. On sait qu'ils sont pas là pour nous écouter, on sait qu'ils nous entendent pas. L'objectif de la manifestation, ça va pas être de parler à la police, ça va être de parler aux gens qui sont là dans la rue avec nous, d'écouter aussi. Il va y avoir plusieurs prises de parole de familles, de victimes de violences policières. Et du coup, ce sera aussi l'occasion un peu de s'écouter tous, de partager des expériences. On a aussi choisi de converger avec la manifestation contre l'état de guerre qui est à l'arrière. Donc on va faire un bout de chemin ensemble jusqu'à Ménilmontant. Voilà. Et ensuite on continuera à Montgalet. Et on va essayer de se donner les moyens d'arriver à Montgalet tous sains et saufs. En espérant que la police ne nous agresse pas trop. Et on va faire notre maximum pour finir la manifestation et apprendre tous ensemble. Merci. Bonjour. Nous avons décidé, avec le collectif Ni guerre ni état de guerre et le réseau Sortir du colonialisme et l'Union nationale des sans-papiers, de converger avec cette manifestation contre les violences policières. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que la criminalisation dans les quartiers populaires, c'est aussi un objectif de l'état d'urgence et une conséquence aujourd'hui concrète de l'état de guerre qui nous est imposé depuis janvier 2015, et qui s'est accentué après les attentats du 13 novembre. C'est une situation de chaos géopolitique dans le monde qui fait que le gouvernement instrumentalise les conflits à l'extérieur pour ensuite les ouvrir un front et traiter de ce qu'il appelle l'ennemi intérieur. Nous, nous refusons d'être considérés comme des ennemis intérieurs. Nous voulons la liberté, l'égalité, la fraternité, et nous refusons que la police se substitue aujourd'hui à l'état de droit. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les cortèges qui convergent se battent aussi pour la défense des droits des peuples. Il y a donc des comités de soutien à la Palestine, au Sahara occidental, au peuple sahraoui, pardon, au peuple comorien, au peuple africain, qui sont derrière vous et avec vous. Et c'est, je pense, une convergence très très importante qui se réalise aujourd'hui. Je voudrais enfin dire que la semaine anticoloniale est en train de se terminer, et pour nous aussi, la signification de notre présence est très politique, parce que l'état d'urgence a commencé pendant la guerre d'Algérie en 1955, et ensuite c'est toujours les quartiers populaires qui ont été visés, c'est toujours les enfants d'origine des colonies qui ont été visés. En 2005, ils ont remis l'état d'urgence contre la révolte des banlieues, et aujourd'hui, ils le remettent, et c'est toujours les enfants des quartiers populaires qui sont visés prioritairement. Et d'autre part, tout ce qui a été inventé comme centre de rétention, comme dispositif de répression, a été inventé dans les colonies, et qu'aujourd'hui, cette histoire se prolonge. Voilà, en avant, tous pour la manifestation. Juste pour rappeler, pardon, après je passe la parole à Amal Benkinti. Ce soir il y a un concert à La Parole Errante, c'est à Montreuil au métro Croix-de-Chabot, et c'est un concert de soutien pour les collectifs qui luttent contre les violences policières, notamment au niveau des procès, des déplacements, de l'organisation de manifestations, etc. Donc en espérant vous y voir nombreux et nombreuses. Merci. Alors aujourd'hui il y a urgence. Il y a urgence. Notre police assassine en France. Nous, familles de victimes, on est là pour dénoncer cette impunité policière. Cette impunité dont bénéficient ces policiers quand ils commettent des actes de barbarie, quand ils tuent, quand ils mutilent. Ici présents à mes côtés, les familles de victimes, la femme de Amadou Koumé qui a été tuée exactement ici même dans ce bar. Au mois de mars de l'année dernière, il aura fallu qu'on se batte aux côtés de la famille de Amadou Koumé pour qu'on arrive à obtenir quelque chose. Jessica vous en parlera un peu plus que moi. Moi, je vais vous parler de cette loi, le projet de loi Urvoas. Ce projet de loi dit très clairement que quand des policiers seraient amenés à utiliser leur arme de service. Ils deviendraient irresponsables pénalement. Aujourd'hui, nous, familles de victimes, on alerte, on dit qu'il y a danger, parce que le chiffre aujourd'hui des morts par an tués entre les mains de la police, c'est 15 morts par an tués entre les mains de la police. On s'en rend pas compte, il n'y a pas de statistiques. C'est une moyenne de 1 mort par mois tué entre les mains de la police, sans que personne ne se soucie de ces cas et de ces familles qui sont mises sur le côté, de ces familles qui demandent à ce que justice soit faite. Et est-ce qu'un jour, on ait l'espoir d'obtenir justice? Donc pour nous, cette loi liberticide et sécuritaire, c'est juste un permis de tuer supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui en France, ces policiers, malgré l'encadrement qu'il peut y avoir autour de la légitime défense, ces policiers continuent à tuer en toute impunité et ils sont protégés par les institutions. Donc nous, on tire un signal d'alarme très très fort, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ça peut être n'importe qui d'entre vous. Et on le voit bien ces derniers jours dans l'actualité, ce qui se passe. On a des policiers qui se sentent au-dessus des lois. On a des policiers qui insultent, qui violentent, qui tabassent, sans jamais être inquiétés par la justice. Et avec cet état d'urgence, avec ce projet de loi, il y a un danger. Il y a un danger imminent. On ne s'en rend pas compte. Mais demain, si cette loi, elle passe, on sera tous concernés. Donc il y a urgence. Notre police assassine. Et je donne la parole à Jessica Koumé, la veuve de Amadou Koumé, qui a été tuée ici même l'année dernière par des policiers qui l'ont tabassée. Donc comme vous l'a dit Amal, moi c'est Jessica. Le 6 mars 2015, Amadou se trouvait ici au 8 de août et il était manifestement pas bien, en état de détresse psychologique. Et le serveur, alors qu'il était ni violent, ni arrogant, ni quoi que ce soit, a décidé d'appeler la police. De là, 3 policiers sont arrivés. Apparemment, eux se sont montrés cordiaux avec Amadou. Ils lui ont demandé de se lever parce qu'il dérangeait. La présence d'Amadou dérangeait. Amadou s'est levé. Et en s'approchant de l'entrée, il a découvert un policier hors bon point. Il a paniqué. Il a refusé de partir avec eux car il avait peur et il disait au serveur, ce ne sont pas des vrais policiers. De là, dans un certain laps de temps, 3 ou 4 voitures de la BAC sont arrivées. Sur ces 3 ou 4 voitures de la BAC, un seul est sorti en courant et a crié « Couche-toi, enculé !» Amadou ne semblait pas l'avoir entendu, ni l'avoir vu. Le policier s'est placé derrière lui et a commencé à l'étrangler. Amadou n'a pas résisté. Il s'est affaissé. Et toujours d'après les témoins, il criait des cris d'agonie et d'essoufflement à ce moment-là. Et il se voyait mourir. De là, il a été entraîné vers la sortie, menotté et circonflexé. Mais il est bien sorti vivant du bar. Il a été placé à minuit et demi dans le camion pour être transporté dans un commissariat qui se trouve à 600 mètres. Seulement, il a été déclaré 2h30 après sa... déclaré mort 2h30 après sa prise en charge. Que s'est-il passé? faut pas 2 heures pour faire 600 mètres. Ben, j'ose vous imaginer. Ils l'ont torturé. Puisque son autopsie résulte d'un œdème pulmonaire survenu dans un contexte d'asphyxie, de traumatisme facial et de traumatisme cervical. Et elle fait état de nombreux hématomes sur le corps. Mais vous voyez, malgré tout ça, eh ben le procureur a décidé de ne poursuivre personne. C'est-à-dire qu'il est face à une mort. Le cadre procédural voudrait qu'automatiquement l'ouverture d'instruction s'ouvre. Mais là, non. Le procureur a bloqué le dossier et n'a pas nommé de juge d'instruction pour que personne n'enquête sur cette enquête, sur cette affaire. Mais c'est sans compter mon acharnement, la mobilisation du collectif, de tous les soutiens que j'ai eus depuis le début, qui ont réussi à me trouver les témoins. Grâce à tout ça, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir l'obtention d'un juge d'instruction et l'affaire va enfin s'instruire, au bout d'un an. Mais bon, au bout d'un an, quand il fait dans le dossier, ça sera à voir. Mais je ne dois pas me réjouir de ça, parce que normalement, c'est la ligne de conduite procédurale normale, l'instruction. Donc je ne dois pas être contente de ça. Je serai contente quand les policiers seront enfin inculpés. Et là, on en est loin. On a vu le cas d'Aliziri encore. On a vu le cas d'Amin Bintouzi. Voilà. Mais je garde espoir. Il faut garder espoir. Et on a besoin de vous aujourd'hui pour faire cesser l'impunité. Parce qu'il y en a marre. J'ai un enfant de 5 ans qui va vivre avec ça. Et aujourd'hui, il a besoin de moi, mais il a besoin de vous aussi. Et fin à l'impunité. Et urgence, notre police assassine. Μάθετε όλοι ότι κινδυνεύουμε. Έχω μιλήσει γι' αυτό, έχω δακρύσει γι' αυτό, έχω φωνάξει γι' αυτό, με έχουν χτυπήσει γι' αυτό. Έχω τη λύση γι' αυτό και έχω αργήσει σ' αυτό. Έχουν εισβάλει στη ζωή μου και στον τρόπο που ζω. Χωραφιά με Κιάνιου, με Κιάνιου και αρσενικού. Αυτό είναι το κέρδος, αυτό είναι το κέρδος από του χρυσού. Χωραφιά με Κιάνιου, με Κιάνιου και αρσενικού. Αυτό είναι το κέρδος, αυτό είναι το κέρδος από το χρυσό. Ενάντια στις φύσεις η λαϊλασία. Αγώνα για την γη και την ελευθερία. Αγώνα για την γη και την ελευθερία. Ενάντια στις φύσεις η λαϊλασία. Έχω μια λύση σ' αυτό και έχω αργήσει σ' αυτό. Πόλεμο στον πόλεμο των εταιριών. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών. Το όπλο των λαών. Για να οικονομήσουνε τα αφεντικά, θα μιλητηριάσουνε αέρα και νερά. Αέρα και νερά. Ο ρυσός μας φέρνει πιο κοντά στην καταστροφή από τα τοξικά. Αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά στην καταστροφή από τα τοξικά. Φέρνουμε τα βάση τη γη και το νερό. Και όχι ένα τόπο στην Ιερισσό. Έχω τη λύση γι' αυτό. Τη γη και του μυαλού. Α δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το καρναβάλι. Να φύγει η εταιρεία και να μην έρθει άλλη. Να φύγει η εταιρεία και να μην δερθεί άλλη. Πόλεμο στο πόλεμο των εταιριών. Με έχουν φωνάξει γι' αυτό, με έχουν χτυπήσει γι' αυτό. Θέλουμε τα βασί, τη γη και το νερό. Φύγει η εταιρεία και να μην δερθεί άλλη. Πόλεμο στο πόλεμο των εταιριών. Ας δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το καρναβάλι. FPP, c'est la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte CSPCL. On voulait vous faire partager cette manif pour ceux qui n'étaient pas et pour ceux qui veulent encore écouter et se mobiliser. Donc vous avez la possibilité donc de rejoindre ces différents collectifs qui ont pris la parole et en tous les cas de rester attentifs à ce qui est en train de se passer. Et donc on va partager avec vous les dernières prises de parole qui ont eu lieu à Charonne, enfin la dernière prise de parole qui a eu lieu à Charonne et pas Montgalet, puisque finalement la manif n'est pas allée jusque là. Et donc eh ben, on continue. Salut, du coup je suis pas très bien préparé parce que je sors d'une garde à vue de plus de 24 heures là. Mais je suis venu quand même pour parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai déjà fait des interventions dans d'autres manifs pour ça. C'est ce lien qu'on peut faire entre l'état d'urgence et la guerre d'Algérie, parce que le lien il est direct en fait, il n'est pas juste supposé ou inventé, il est direct, il est clair. Il n'y a pas seulement un lien historique, il y a un lien aussi institutionnel. La police telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est née à cette époque-là, elle s'est construite à partir de l'expérience de la guerre d'Algérie. Du coup, comment est-ce que je peux raconter ça? J'ai pas mes petites notes aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'état d'urgence, il a été voté en 1955, au moment où la guerre d'Algérie faisait rage. L'objectif à cette époque, c'était de transformer une guerre en fait en opération antiterroriste. On l'appelait pas encore comme ça à l'époque. Mais on peut en tout cas considérer que c'était déjà transformer une guerre en opération policière. L'objectif, c'était de faire passer les combattants du FLN, qui étaient des combattants pour la liberté, des résistants, comme on en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Ces résistants-là, l'objectif, c'était de les faire passer... C'était pour leur enlever leur statut de combattant, et du coup, leur enlever aussi le bénéfice de la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les combattants du FLN n'étaient plus considérés comme combattants, ils ne pouvaient plus bénéficier non plus de la protection et des conditions, on va dire, classiques de la guerre. À partir du moment où l'état d'urgence a été voté en métropole, il a été utilisé plusieurs fois, toujours dans un cadre colonial. Ça a été toujours utilisé dans un cadre dans le but de soumettre les personnes et les populations colonisées, qu'elles soient dans les colonies ou en métropole. J'ai un peu du mal à me caler. En tout cas, ce qui est extrêmement intéressant pour comprendre en fait cette historique-là, c'est de se rendre compte que l'état d'urgence a été adopté dans un cadre spécifique. Il a été adopté à l'époque par Michel Debré. Michel Debré était un des partisans de l'Algérie française, comme une grande partie des élites politiques de l'époque, qui étaient quasiment intégralement acquises à l'Algérie française. C'est aussi l'époque d'un Maurice Papon, qui était préfet de Paris, à la même époque. Maurice Papon, qui a été connu par le passé, on l'a su bien plus tard, mais qui était connu essentiellement pour avoir aidé la France de Vichy, et avoir été préfet pour la France de Vichy, et d'avoir participé à la torture, enfin d'avoir, en tout cas, orchestré la torture des résistants, à l'encontre des résistants. Ce même Papon est devenu préfet de police après la guerre. C'est la grande réconciliation entre Charles de Gaulle et les anciens tortionnaires nazis, ou pro-nazis. Charles de Gaulle lui-même, présenté comme un grand résistant à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et un des plus grands acteurs de la guerre d'Algérie, c'est la personne qui a cautionné la torture pendant la guerre d'Algérie. Et surtout, il a cautionné avec, par le biais de son... De l'état-major de l'époque, il a cautionné la torture là-bas, mais il a cautionné aussi une forme de guerre qui était tout à fait nouvelle, que d'autres... Que des officiers militaires ont théorisé. Ils ont appelé ça la guerre contre-insurrectionnelle. Ils ont écrit des livres. Ils ont écrit des théories contre-insurrectionnelles largement inspirées de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger qui a fait rage à cette époque-là et qui a servi un petit peu de laboratoire, qui a permis à l'époque aux militaires d'utiliser des nouvelles méthodes policières, policières militaires, le quadrillage systématique des quartiers, la segmentation des quartiers d'Alger avec des perquisitions systématiques, sans motif, des arrestations arbitraires, des cas de torture systématique et aussi notamment beaucoup de gens qui ont pu en tout cas survivre à la torture ont été ensuite jetés dans la mer, on les a appelés les crevettes bijards. Des centaines de personnes ont été mis les pieds dans le ciment et jetés d'hélicoptères dans la mer. On les a appelés les crevettes bijards parce que l'officier qui organisait ces opérations à l'époque s'appelait Bijard. C'est plein d'éléments qui nous permettent de comprendre qu'à l'époque s'est mis en place une certaine conception non seulement du maintien de l'ordre, mais de la manière de faire taire les résistances. Ces conceptions policières ou militaires, elles ont été réutilisées, théorisées, exportées à l'étranger, et elles ont servi de support idéologique à toutes les polices du monde entier, notamment celles des dictatures. D'abord, elle a servi dans les écoles militaires américaines, puis exportée dans les écoles militaires des pays d'Amérique du Sud, notamment le Chili, l'Argentine, le Brésil, et tous ces officiers qui ont appris à partir des théories de la guerre d'Algérie ont théorisé des nouvelles doctrines policières et s'en sont servis en fait pour torturer des gens, pour les tuer, pour les faire disparaître. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu entre guillemets démocratisé, ces théories policières ont été reprises, un peu transformées, un peu améliorées avec la modernité, notamment par les écoles policières américaines, nord-américaines pour le coup. Et aux États-Unis, se sont développés des nouveaux modes de fonctionner. Et ces nouveaux modes de fonctionner, on les appelle aujourd'hui avec des termes très novlangues, on les appelle la prévention situationnelle, par exemple, ou la répression proactive, des méthodes proactives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reprend les modèles de la guerre d'Algérie, on les utilise pour les remettre à neuf. Et pour encadrer les manifestations, mais pas seulement les manifestations, pour encadrer les quartiers populaires, qui sont depuis longtemps considérés comme des foyers de sédition, depuis la guerre d'Algérie en réalité, puisque les populations colonisées, qu'est-ce qu'elles restent colonisées, ça reste des colonisés de l'intérieur aujourd'hui, continuent de constituer pour la police aujourd'hui, pour la police française et la police européenne et les polices occidentales en général, les étrangers constituent toujours une menace à l'ordre public. Et c'est pour ça que voilà, les théories policières sont construites actuellement pour réprimer cet ennemi de l'intérieur. Ça reste des techniques coloniales. Je pourrais en parler longtemps. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est plus facile quand j'ai mes notes. Mais rendez-vous à la parole errante pour en discuter longtemps. On peut en discuter à la parole errante ce soir. Mais en tout cas, voilà, je vais finir rapidement là-dessus. En 1962, ici à Charonne, a eu lieu un massacre dans le cadre de la guerre d'Algérie. Pourquoi c'est emblématique ? Parce qu'après un an après avoir jeté des centaines d'Algériens dans la Seine, le préfet Papon, c'était le préfet Papon dont je parlais tout à l'heure à l'époque, un an après avoir jeté les Algériens dans la Seine, la police française n'a pas hésité à buter des gens qui n'étaient pas pour le coup pas des colonisés de l'intérieur, mais des gens qui les soutenaient, des gens qui avaient compris en fait ce qui se passait en Algérie, qui soutenaient les populations étrangères de la métropole, qui comprenaient bien qu'il y avait une guerre en cours, une guerre de basse intensité, et pas seulement de basse intensité, en tout cas elle l'est aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas une guerre de basse intensité, c'était une guerre ouverte avec les populations de l'intérieur. Ces gens-là ont manifesté, et ces gens-là se sont fait buter par la police française ici même à Charonne, dans un espèce de bordel généralisé où la police a matraqué les gens de manière désordonnée, mais en même temps est-ce que ça peut vraiment être ordonné, je sais pas. En tout cas voilà, c'est là qu'on peut faire le lien, et j'ai envie de faire ce lien, et j'ai envie qu'aujourd'hui, notamment avec l'état d'urgence aujourd'hui, on fasse ce lien. Qu'on comprenne qu'en fait, il n'y a pas les quartiers populaires d'un côté et les militants politiques de l'autre, qu'il y a deux mondes qui doivent s'unir, parce qu'il y a deux mondes en fait qui sont réprimés, pas tout à fait de la même manière, parce que quand on a une couleur de peau, quand on est blanc, qu'on n'est pas blanc, on est évidemment réprimé de manière beaucoup plus violente. Le fait que chaque année, il y a une quinzaine de morts aux mains de la police, qui soient toutes systématiquement soit noires, soit arabes, soit étrangères, c'est un signal. Mais dans les manifs, on tire aussi sur les manifestants, on tire aussi sur des personnes sous prétexte qu'elles se révoltent, elles perdent un œil. On a très régulièrement maintenant des personnes qui perdent un œil pour le simple fait de s'être manifestées, d'avoir protesté dans la rue. Ce lien-là, il doit être fait aujourd'hui parce que la police ne fait pas de différence. Et voilà, je sais pas trop comment conclure mon propos, mais en tout cas, je pense que c'est crucial aujourd'hui de se battre non seulement contre l'état d'urgence, mais l'ensemble des lois sécuritaires qui sont en train de se mettre en place. On a la loi de simplification pénale qui va bientôt être adoptée. Cette loi, c'est encore une loi supplémentaire. C'est pas la première loi du genre, c'est une loi supplémentaire. Et elle est en train de donner raison à des techniques policières qui sont de plus en plus absurdes. Elle est en train de donner raison à une police qui voudrait se baser uniquement sur le service de renseignement, sur le travail des services de renseignement. Du coup, je fais un petit aparté sur mon cas. J'ai été récemment l'objet d'une assignation à résidence qui a reposé quasiment intégralement sur les notes blanches du renseignement. Ces notes blanches, elles sont utilisées aussi contre les assignés à résidence pour islam radical. Ces notes blanches, c'est des inventions des services de renseignement. C'est des feuilles blanches sur lesquelles les services de renseignement écrivent n'importe quoi, à partir de quelques faits réels, à partir de quelques faits agrémentés, de quelques photos. Ils ajoutent des suppositions, et toutes ces suppositions font foi devant le juge, font foi devant le juge administratif et servent en fait de support à la répression policière de manière arbitraire et surtout à des mesures préventives. On l'a vu pendant la COP. Maintenant, ce qui est systématique, et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on est vraiment dans une transformation des méthodes. Aujourd'hui, on n'est plus puni pour des délits qu'on a commis. On est puni pour des délits qu'on pourrait commettre. Ça veut dire que la manifestation sont interdites par avance, les gens sont arrêtés par avance, les gens sont encagés alors que la manifestation n'a pas encore vraiment agi. C'est-à-dire que les policiers, à partir du moment où ils estiment qu'il y a un risque, à partir de ce que pourraient leur avoir dit les services de renseignement, pouf, ils encagent la manifestation, ils l'encerclent, ils arrêtent les gens en préventive, et à partir de leurs antécédents judiciaires ou de quelques supputations des services de renseignement, se permettent de mettre des gens à part en garde à vue. Et c'est comme ça que se conçoit le maintien de l'ordre aujourd'hui. Et voilà, et ça s'inspire, c'est déjà bien en œuvre aux États-Unis. Et moi, je rêve que ça ne soit pas le cas en France. Et c'est pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui vraiment de manière radicale contre cet état des choses. Voilà. C'était donc samedi dernier, 19 mars 2016, où on a participé également, coordination collectif Paris Ayotzinapa. On a été présent depuis quelques temps auprès de ces différents collectifs contre les violences policières qui manifestent régulièrement, organisent des discussions. On a eu l'occasion de les rencontrer, notamment quand on a organisé l'année dernière la tournée des parents des étudiants disparus à Ayotzinapa, justement, donc au Mexique. La situation, effectivement, demande à être regardée de près. La violence, elle s'étend un peu partout. Quand on voit au Mexique et la collaboration qu'il y a entre les polices ici, françaises, avec le Mexique, sans compter la question des ventes d'armes et les formations qui existent depuis longtemps, comme le disait le copain tout à l'heure, dans ce qu'on vient d'écouter, effectivement, il y a des méthodes qui ont été utilisées comme notamment la guerre d'Algérie, au Vietnam aussi, aux États-Unis, ils ont quand même fait une petite compilation de toutes ces guerres pour pouvoir mettre au point des politiques de contre-insurrection qui ont été effectivement mises en œuvre au Mexique et notamment justement depuis des années et contre les apatistes depuis 1994. On voit la situation aujourd'hui au Mexique, au-delà de la question de la politique contre-insurrectionnelle menée au Chiapas contre les apatistes, une guerre contre le narco-trafic, qui est en fait une guerre masquée contre les peuples, contre les gens, où tout devient marchandise et où la vie et la question des lettres blanches, voilà, au Mexique, c'est quelque chose qui est très répandu, de pouvoir être inculpé pour un acte qu'on n'a absolument pas commis. Et des disparitions qui se comptent en dizaines de milliers, des morts en centaines de milliers. Donc évidemment, nous, on est très loin de cette situation. Au demeurant, c'est important de regarder de près ce qui est en train de se passer, de la nouvelle, des nouvelles lois, des nouveaux dispositifs qui mettent quand même un petit peu gravement en péril notre demain, notre aujourd'hui. Donc on est attentif et il faut se mobiliser. On vous invite donc à vous mobiliser sur tous les fronts, là où vous pouvez. Et on va continuer notre programme dans un côté plus festif, bien que toujours revendicatif, rebelle, Donc, on sera avec le carnaval indépendant, le 17e, qui s'est organisé il y a 10 jours. J'ai perdu la date, là, pas le week-end dernier, mais celui d'avant. Oui, donc c'est ça, une dizaine de jours à Marseille. Donc, c'est le carnaval dit de la Plaine, même s'il y a le quartier de la Noaille et les Réformés. On parle souvent de la Plaine parce que c'est le quartier de la Plaine qui, justement, est appelé à être réformé. Donc, ce carnaval, c'était sous le signe de la lutte contre la spéculation immobilière, ces projets bien pensés pour le soi-disant bien-être de la population, le grandissement de la ville et tout ça pour écraser une vie de quartier, la fermeture pour travaux pendant 2 ans d'un marché, etc. Donc tout ça, c'est dans ce carnaval indépendant, c'était très flagrant et c'était le caramantran, le vautour caramantran, le BTP, donc voilà, toutes ces personnes étaient vouées à être mises en avant dans ce carnaval festif. Et donc, on va être pour cette fin d'émission avec le carnaval à Marseille. Merci, à tout de suite. Tous ces bons. un gros bordel, hein. Il y a quand même énormément de bruit, vous l'entendez, il y a quand même plein de chorales, plein de batucadas, de la farine partout, c'est le gros délire quand même, c'est cool. 106.3, la jungle des luttes, c'était le carnaval à Marseille. Donc, ouais, voilà, là, il y a quand même beaucoup de monde, une grande joie, des gens vraiment costumés. Bon, donc, c'est indépendant, donc on n'a pas les Mickey et les fées et les tralalis. Et donc, c'est les gens qui s'en donnent à cœur joie et on défend la plaine et on touche pas à la plaine surtout. Et donc, à la finale de finale, tous ces BTP, tous ces tralalas, ils vont pas avoir de la place. Là, ça se défend sur la plaine avec des chorales et pas seulement, il y a une assemblée évidemment. Je pense qu'un jour on aura l'occasion d'en parler pour justement aller au-delà de la question du carnaval qui somme toute est quand même une belle initiative pleine de force et qui se termine en procès. Honorable assemblée, le tribunal doit juger aujourd'hui un accusé dont l'infamie dépasse tout ce qu'il avait eu à connaître jusque-là, dans les années précédentes. Les mots me manquent, et c'est pas souvent que ça m'arrive, les mots me manquent pour désigner l'infamie de l'accusé et les actes infâmes auxquels il s'est livré et auxquels il entend se livrer au détriment de notre quartier. Honorable assemblée, on s'en fout de la justice. Le ministre, la ministre. Oui, il m'énerve tellement cet accusé que. Il s'emporte. Le tribunal, malgré toutes les recherches qu'il a fait exécuter, a été dans l'impossibilité d'identifier clairement l'accusé qui change de nom. Un jour, il se fait appeler Soléam. Le lendemain, il se fait appeler Gérard Chenoz. Et le surlendemain, il se présente sous le trait de l'aimable Marie-Louise Lothar. Mais dans un monde où le vrai n'est plus qu'un moment du faux, ceci n'a rien d'étonnant. Et le ministère public que j'ai l'honneur de représenter dans cette affaire va prononcer une inculpation d'une extrême gravité. En effet, honorable assemblée, que je prends à témoin, nous savons que l'accusé a été arrêté, appréhendé, alors même qu'il s'apprêtait à commettre un crime de la plus extrême gravité contre la vie de ce quartier populaire de Marseille. Durant son interrogatoire, l'accusé n'a cessé d'employer des formules alambiquées et mensongères. La montée en gamme du marché de la plaine. La requalification. Que sais-je encore? Mais le tribunal, d'une main ferme, saura abattre le marteau de la punition de la justice populaire. Néanmoins, honorable assemblée, il m'est douloureux de devoir admettre que tout accusé, si infâme soit-il, a droit à un défenseur. L'accusé sera défendu par Maître Marc Mao, ici présent. Maître Marquemal est un des ténors du barreau marseillais. Il est bien connu d'ailleurs pour perdre régulièrement tous ses procès. C'est bien pour ça qu'il se trouve ici devant vous. Je vais lui passer la parole. Maître Marquemal, Avant de vous passer la parole, je vous recommande de ne pas multiplier les incidents d'audience auxquels vous nous avez accoutumés par le passé et de ne pas user d'artifices de procédure. Faute de quoi, vous provoqueriez la légitime colère de l'honorable Assemblée. Maître Marc Mao, vous avez la parole. Oui, je sais, cette tâche est difficile, mais je vous promets que ce caramantran ne brûlera pas ce soir. Écoutez-moi, vous allez avoir des surprises. J'ai ici, dans ma sacoche, un dossier en béton. Ah oui, c'est en béton, nous n'en doutons pas, maître Marquemont. C'est tout ce que vous savez, c'est tout ce que votre client sait faire. Il est évident que devant cette assemblée, où je vous promets qu'on en a civilisé plus d'un. Ah oui, lesquels? Des noms, maître Marquemont, nous voulons des noms. C'est pas 150 personnes ici présentes qui vont faire que ce quartier ne sera pas rénové. On a déjà fait dans cette ville des tours, on a déjà fait des hôtels, et bientôt on va recevoir un paquebot magnifique. Il est évident qu'à vous voir, vous n'usez pas trop de savonnette. Maître Marquemont, vous dépassez les limites. Vous ne pouvez décemment insulter l'honorable assemblée. Ici, sur cette place, avec mon client, on va construire des étals à savonnette. On mettra un téléphérique qui ira jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Et tout ça pour le plaisir, le bonheur de tous ces gens bien vus de notre société qui sont les riches. Maître Marquemont, je tiens à rappeler à l'honorable assemblée que le client que Maître Marquemont entend défendre, pour autant qu'il soit défendable, que son client s'est déjà fait connaître à Marseille pour avoir commis d'autres crimes contre la ville. Je veux dire Euroméditerranée, la rue de la République. Les crimes de l'accusé sont perceptibles, sont visibles chaque jour à la Joliette, à Arenc. Et malgré tout, toutefois, néanmoins, vous persistez à défendre ce personnage indéfendable. Il est vrai, s'il vous plaît, il est vrai que mon personnage, ici présent, a réussi à bétonner tout ce quartier. Vous vous en vantez, maître Marquemont. Parlez toujours. Mon client est toujours là. Il est toujours hors des flammes. Et ce procès, je vais le gagner. Honorable Assemblée, le tribunal comprend parfaitement ta légitime colère. Le tribunal partage le sentiment d'horreur que tu ressens à l'évocation des crimes de l'accusé. Sois assuré, honorable assemblée, que le ministère public que j'ai l'honneur de représenter dans cette affaire saura abattre le marteau de la justice. Habitants de la plaine, n'oubliez surtout pas une chose, ici c'est pas chez vous, c'est chez nous. Maître Marqueval, votre insolence me conduit à citer un témoin de l'accusation. Je vais donc passer le micro à un témoin de l'accusation. Chers témoins, veuillez témoigner et dire ce que vous savez de l'accusé et de ses méfaits. Merci, je n'ai pas de lunettes, doucement avec la poudre. En fait, on a mal compris l'accusé. L'accusé est une personne de bonne foi. Halte au passéisme. Vive le bétonnage, vive le progrès. Construisons un centre commercial. Déplaçons le stade Vélodrome à cet emplacement. Du béton, de la propreté, de l'assainissement. Il n'y a rien de tel. Arrêtons de regarder le passé. Sortons de la préhistoire. Vive le progrès. Honorable Assemblée, en vertu des pouvoirs, qui me sont conférés, je déclare l'accusé coupable. Et que retentisse la légitime chanson de la plaine. Toujours chanter, en attendant le Carabatra, il est toujours là. Honorable Assemblée, honorable Assemblée, brûlez-le, brûlez-le, brûlez-le, brûlez-le. Je dénonce un procès inéquitable qui a été fait entièrement à charge. Ce procès a été tout ce qu'il y a de plus équitable puisqu'il s'est déroulé en public, au contraire des magouilles de l'accusé qui se déroulent toujours en secret. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je condamne l'accusé à mort. FPP, la jungle des luttes, on était à Marseille, le carnaval, ça a été quand même un super moment, un procès côté grotesque, mais dans le fond, dans la réalité, finalement, même si ça se fait en secret, je pense que c'est aussi grotesque de toute façon à la finale. Évidemment, en général, on n'a jamais la mise à mort. Mais donc là, voilà, effectivement, on a eu le feu, les caramatrans ont été brûlés, on a réglé leurs comptes à tous ces BTP et tout. Et donc, rendez-vous l'année prochaine pour le carnaval indépendant à Marseille, carnaval de la Plaine Noaille réformée. Et donc là, il y avait justement, comme vous l'avez entendu, Marseille, Ivry, et c'était aussi le côté très sympathique de ce carnaval, c'est qu'il y a plein de gens qui se sentent preneurs voilà, de ce carnaval, avec la possibilité de pouvoir converger. Il y avait différentes chorales, des chorales d'Italie, et notamment une chorale d'Ivry. Il y a justement Julia du Râle des Foules qui nous appelle pour nous raconter un petit peu pourquoi leur chorale était là-bas, ce qu'ils y ont fait, ce qu'ils y ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont envie de nous dire. En 5 minutes, le temps de justement partager ce moment qui a été un très bon moment, je pense pour toi aussi, Julia des Râle des Foules. Je crois que tu es là, c'est ça? Ouais, je suis là. Salut. Je préviens, je suis dans un moment un peu charnière et donc du coup, je vais peut-être pas pouvoir parler très longtemps. Non, il y a que 5 minutes, juste le temps de partager tes impressions et pourquoi vous étiez là, vous, comment vous êtes arrivé. La chorale, c'est Râle des Foules, c'est ça? Ouais, c'est ça, le Râle des Foules. Et on est à Ivry, et en fait, par des connaissances à moi, en fait, il y a très longtemps, on s'est mis à vouloir monter une chorale révolutionnaire à Ivry-sur-Seine. Et du coup, notamment, moi, je suis très amie avec une fille qui fait partie de la Lutte Enchantée, qui est la chorale révolutionnaire, une des chorales révolutionnaires de Marseille. Et du coup, cette chorale, elle s'est vachement investie depuis quelques années dans l'organisation du carnaval, et notamment dans la volonté d'élargir un peu les invitations et faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout en France, que ça prenne du poids, qu'il y ait du monde qui vienne, que les gens ils soient au courant que c'est un carnaval qui subit beaucoup de répression depuis de nombreuses années. Et donc dans ce cadre-là, ils se sont dit, la Lutte Enchantée, comme on kiffe bien le carnaval et qu'à chaque fois on chante des chants de carnaval, qu'on en apprend tous les ans des nouveaux et que ça nous fait bien triper, on va inviter les chorales qu'on connaît parce que c'est des chorales, en fait, les chorales révolutionnaires en France, elles ont quand même un réseau et du coup, on se retrouve tous les ans sur différents événements. Et donc, le carnaval de Marseille, c'est devenu un de ces événements où les chorales révolutionnaires convergent un peu vers Marseille. Donc, ce n'était pas la première fois que vous veniez? Non, nous, on était allés l'année dernière déjà. Mais l'année dernière, c'était la première année où il y a eu cette initiative de la Lutte Enchantée d'inviter les autres chorales qu'elle connaissait. Et du coup, on y est allés pour la première fois l'année dernière. Et on y est retourné cette année. Et je pense qu'on y retournera l'année prochaine. Et, Et l'idée, c'est que ça devienne un rendez-vous tous les ans pour les chorales et pour faire venir du monde, quoi. Oui, d'autant qu'en plus, l'idée, c'est aussi pas seulement le carnaval, puisque la fête, il y avait un bal costumé, que vous avez aussi vous chanté de votre côté, vous êtes rencontrés. La veille, il y a eu l'accueil des chorales, donc ça a chanté aussi. Du coup, c'est pas seulement un week-end, c'est pas seulement le dimanche du carnaval, il y a tout un week-end où ça donne l'occasion de pouvoir écouter tout le monde. Autrement que. Il y a une vraie volonté de transmission de l'esprit du carnaval. Du coup, on a eu l'occasion de participer aux ateliers de fabrication de masques et de costumes qui se mettent en place pour les gens du quartier, de la plaine, Noailles et tout ça, réformés. Et puis, en plus de ça, il y a de la transmission de chants tout le week-end. Et puis, effectivement, on fait la fête plusieurs soirs de suite, pas juste le dimanche. Ils ont passé du temps à nous enseigner les chants de carnaval, notamment le samedi. Et du coup, ça a permis de faire en sorte aussi que les chorales elles se rencontrent entre elles, que nous, on rencontre vraiment tous les gens de la lutte enchantée et que ça se diffuse un peu. Ouais, et que du coup, on a appris des chants de carnaval aussi qui se chantent en fait dans plein de carnavals différents. Et lors du carnaval de Montreuil, par exemple, on avait déjà eu une transmission de chants du carnaval de la Plaine et donc on avait chanté des chants en occitan. Donc voilà. C'est une façon de faire le lien un peu entre les différents lieux de lutte où il y a des chorales, quoi. Bon, bah super. Du coup, on invite tout le monde, même ceux qui ne chantent pas, à participer au carnaval de Marseille et à tous les autres qui s'organisent justement. En Montreuil, on en parlait tout à l'heure avec le collectif de la Parole Errante qui a commencé l'émission. Et donc, du coup, ils parlaient justement qu'ils avaient organisé un carnaval à Montreuil. Donc voilà, du coup, la boucle est bouclée, on dirait. Ouais. Bon, bah alors, bonne fin d'AG parce que je sais que tu étais en AG. Merci. Et oui, donc, merci de nous avoir appelés et de nous avoir partagé tout ça. À très bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était ce qu'on avait envie de vous partager là, ce carnaval indépendant qui existe depuis plusieurs années, dont on a eu l'occasion de parler déjà. Il avait notamment été réprimé en 2014, 2015 ça s'était bien passé, 2016 aussi, il y avait même pas du tout de policiers autour de ce carnaval, ce qui était très agréable, notamment probablement ou pas, on ne sait pas. En tous les cas, les gens étaient beaucoup mobilisés par une bombe de la Seconde Guerre mondiale qu'on avait trouvée sur le port. Enfin, donc la circulation devait être fermée, bouclée, le quartier. Donc ça a en tous les cas permis d'avoir un moment très festif, sympa dans le quartier de la Plaine. Et donc on a défilé avec une grande bonne humeur rebelle. Et on vous propose de nous rejoindre samedi 26 mars, samedi prochain, à la Nouvelle Rôtisserie, 4 rue Jean-Marie Moineau. Et donc, c'est au métro Belleville. C'est la rue parallèle à la rue Sainte-Marthe, là où il y avait l'ancienne rôtisserie. Maintenant, c'est la Nouvelle Rôtisserie pour un repas de solidarité organisé par le CSPCL. Vous pouvez toujours donc nous retrouver sur le site cspcl.ouvaton.org. Nous retrouver tous les mercredis à 20h30 pour notre réunion au 33 rue des Vignoles dans le 20e, métro Avron. Et puis, nous réécouter nos émissions sur le blog de la Jungle des Luttes. Et sinon, nous écouter le troisième lundi proche du mois d'avril. Troisième lundi du mois à 19h. Merci. Merci à Greg pour les montages. C'était la Jungle des Luttes, 106.3 FPP. Merci. Non, franchement, le carnaval, on s'est régalé. Et il faut le refaire tous les ans et encore plus l'année prochaine. vous. L'émission qui se prend au mot. En partenariat avec YAG, animé par Brahim Naïdbal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ravi d'être une nouvelle fois parmi vous. Le vieillissement chez les personnes LGBT est un véritable sujet tabou. Qu'est-ce qui fait peur? Nous le saurons tout à l'heure avec Francis Carrier qui est notre invité. Bonsoir Francis. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Tu nous trouves jeunes ou vieux? On est tous le vieux et le jeune de quelqu'un, tu sais. Alors moi, je suis le jeune de Éric Garnier, bonsoir. Oui, c'est vrai. Le monstre. Mais tu es le très vieux de notre nouveau chroniqueur. Pierre-Louis, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir Éric. Donc alors, un roman, un DVD ce soir. Oui,